Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. Seconde semaine, premier jour. Première contemplation. La première contemplation est celle de l'incarnation, elle comprend l'oraison préparatoire, trois préludes, trois points et un colloque. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude consiste à se rappeler l'histoire du mystère que l'on doit contempler. Ici, je me rappellerai comment les trois personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes, et voyant que tous se précipitent en enfer, décrètent, dans leur éternité, que la seconde personne de l'Auguste Trinité se fasse homme pour sauver le genre humain, et comment ce mystère s'accomplit, lorsque dans la plénitude des temps l'archange Gabriel fut envoyé à Marie. Voir les mystères. Note. On pourrait se demander pourquoi Saint Ignace, qui renvoie de cet endroit à la série des mystères placés à la fin des exercices, propose et développe, dans cette contemplation et dans celle de la nativité, trois points dans lesquels il recommande de considérer, premièrement, les personnes, secondement, leurs paroles, troisièmement, leurs actions. Le Directoire, chapitre 19, paragraphes 5 et 6, répond à cette question et donne une méthode au moyen de laquelle l'homme le plus ignorant, pourvu qu'il ne manque pas de bonne volonté, peut, avec autant de facilité que de fruit, méditer sur les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ses paroles, ce qui nous est recommandé, nous dit-il, dans la méditation de l'incarnation et de la nativité, de contempler les personnes, d'écouter leurs paroles, de considérer leurs actions. Doit s'entendre conformément à l'ordre suivi dans la série des mystères. Il faut donc, il est vrai, considérer ces trois choses, les personnes, leurs paroles, leurs actions dans chacun des trois points, mais dans leur ordre naturel, et il n'est pas nécessaire de s'arrêter à voir d'abord toutes les personnes, puis à entendre toutes leurs paroles, puis à considérer toutes leurs actions. Ce mode, surtout dans quelques méditations, pourrait causer de la confusion. Saint Ignace a donc prétendu seulement donner une méthode générale, applicable à chaque point de la méditation, voulant que notre attention se porta d'abord sur les personnes dont il est question dans le point que nous méditons, puis sur leurs paroles, si elles précèdent les actions, ou sur les actions, si elles précèdent les paroles. Le premier point ainsi terminé, on passera au second, en suivant la même méthode. Au reste, ajoute le Directoire, paragraphe 7, quoique dans cet endroit il ne soit fait mention que de trois points, il n'est nullement défendu d'en ajouter de supplémentaires, et de méditer, par exemple, sur les pensées et les affections intérieures des personnes, sur leurs vertus, et principalement de considérer le mode et la fin des mystères, leurs causes, leurs effets, le temps et les autres circonstances, afin que la méditation soit plus féconde et les fruits plus abondants. Donc, ce que dit l'auteur des exercices, dans les points suivants, de la considération des personnes, de leurs paroles et de leurs actions, doit moins se regarder comme l'ordre que comme la matière de la méditation de l'incarnation. Fin de la note. Le second prélude est la composition de lieu. Ici, je me représenterai l'immense étendue de la terre, peuplée de tant de nations diverses, puis je considérerai en particulier la maison et la chambre de Notre-Dame dans la ville de Nazareth, en Galilée. Le troisième prélude est la demande de ce que l'on veut obtenir. Dans la contemplation présente, je demanderai la connaissance intime du Seigneur qui s'est fait homme pour moi, afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. Note. Appliquons-nous à bien comprendre la double grâce que l'on nous enseigne à demander dans ce prélude, puisque nous devons la demander dans toutes les contemplations de cette semaine. Or, cette grâce si précieuse, c'est de connaître intimement, c'est d'aimer plus ardemment, c'est, conséquence nécessaire, d'imiter plus fidèlement notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance intime du Sauveur des hommes, son amour et l'imitation de ses vertus, tel est le but de cette semaine tout entière, tel est le fruit que nous devons nous efforcer de recueillir en méditant tous ces mystères. Fin de la note. Il faut remarquer que l'oraison préparatoire doit se faire cette semaine et les suivantes telles qu'elles se trouvent au commencement du premier exercice de la première semaine, sans y rien changer. On fera de même les trois préludes, mais en les modifiant selon le sujet que l'on médite. Dans le premier point, je verrai successivement les personnes. Premièrement, les hommes qui sont sur la terre, si divers de costumes et de visages, les uns blancs, les autres noirs, les uns en paix, les autres en guerre, les uns pleurant, les autres riant, les uns saints, les autres malades, les uns naissants et les autres mourants. Secondement, je verrai et je considérerai les trois personnes de la Sainte Trinité, assises sur le trône royal de la Divine Majesté, comme elles regardent tout cet univers et les nations plongées dans un aveuglement profond, et comme elles voient les hommes mourir et descendre en enfer. Troisièmement, je verrai Notre-Dame et l'ange qui la salue, puis je réfléchirai, afin de tirer de l'utilité de cette considération. Note. Les hommes qui sont sur la terre, si divers, littéralement, en une si grande diversité, gardons-nous de regarder cette énumération comme inutile, ou tout au plus comme propre à aider notre imagination. L'auteur des exercices, en nous mettant sous les yeux cette variété d'hommes de toute espèce, les uns blancs, les autres noirs, etc., mais tous d'une même nature, mais tous créés pour une même fin, mais tous ayant un même Sauveur, le Fils de Dieu fait homme, veut nous embraser d'un zèle universel, et nous inspirer le désir d'être utile à tous sans exception. De même, la considération de la paix et de la guerre, des folles joies et des pleurs, nous met sous les yeux les vicissitudes de la vie humaine, les fruits amers des affections coupables, les tristes effets du péché dans tout le genre humain, enfin toutes les misères des infortunés enfants d'un père rebelle, spectacle bien propre à nous faire sentir profondément combien grande a été la miséricorde de notre charitable Rédempteur, et combien elle nous était nécessaire. Saint Ignace, dans ces points où il offre à notre contemplation les personnes, leurs paroles, leurs actions, nous dépeint les hommes tels qu'ils seraient sans le bienfait de la rédemption, tels hélas, que sont encore un grand nombre, par la dépravation de leur esprit et de leur cœur, afin que, la vue de la grandeur du mal nous mettant à même de mieux connaître et d'apprécier plus justement ce bienfait, nous nous sentions plus efficacement portés à l'amour de notre Rédempteur. Si le saint auteur n'eût pas tracé lui-même, et assez au long, ce tableau de la dépravation de l'homme et des maux sans nombre du genre humain, il est assurément peu et très peu de personnes à qui les points abrégés placés à la fin du livre des exercices en eussent fait naître la pensée. Cependant, tout ce qui se trouve ici sort naturellement du premier point de la contemplation de l'incarnation. On nous dit, en effet, de contempler l'ange envoyé de Dieu à Marie pour lui annoncer le mystère de l'incarnation. De là la pensée de la rédemption du monde, Dumont plongé dans l'ignorance et assujetti aux passions les plus dégradantes du monde dont je contemple les personnes, dont j'entends les paroles, dont je vois les actions. Le monde, me dirais-je à moi-même, c'est-à-dire les hommes, nous sommes tous les enfants d'un même père, d'un père grand autrefois, mais que sa prévarication a détrôné, d'un père qui ne communique la vie qu'à des enfants dégénérés. Dégradation déplorable, que serait-ce donc si un rédempteur ne nous avait été donné? La rédemption, il est vrai, a été promise dès le commencement du monde, mais les hommes oublient bientôt leur Créateur. Ils oublient les châtiments du ciel, les eaux du déluge, le feu de Sodome. Une famille est choisie pour être la dépositaire des promesses, et l'origine d'un peuple que Dieu appellera son peuple. Mais, dans la suite des temps, combien de fois le peuple choisi n'est-il pas un peuple infidèle? Maintenant même, après la naissance, la vie et la mort du Sauveur, quelle est la conduite des hommes, quelle est la nôtre? Les uns en guerre, c'est la fureur, c'est la cruauté. Les autres jouissant de la paix, c'est l'oisiveté, c'est le luxe, c'est la volupté, désordre qui accompagne ordinairement l'abondance des biens de la terre. Les uns pleurant, et c'est le plus grand nombre, mais la plupart sans aucun mérite, et sans que leur attache au péché leur permette de trouver un remède à leur douleur. Les autres riant, se livrant à des joies vaines, aux joies honteuses des plaisirs infâmes, des spectacles, des danses, des festins licencieux, de l'ivresse. Insensé que le chagrin attend à la fin de leur joie coupable. Proverbe 14, 13. Les uns naissant, dans la misère et dans les larmes, les autres mourant, dans la douleur, dans les angoisses, dans le désespoir, et, entre la naissance et la mort, ceux qui vivent méconnaissant leur premier principe, et oubliant leur dernière fin, occupés tout entiers à satisfaire leurs insatiables désirs. Tels sont les hommes qui couvrent la terre. Dans leur aveuglement et leur fureur, ils se précipitent vers l'abîme, et moi-même, vivant au milieu d'eux, je serai aveugle avec les aveugles, insensé avec les insensés, sans la miséricorde de mon Rédempteur. Cette considération de la dépravation et des maux du genre humain est d'une utilité si grande que, quand bien même elle nous prendrait l'heure entière de cet exercice, nous ne devrions nullement regretter notre temps et notre peine. Note. Concernant, elle regarde tout cet univers et les nations plongées dans un aveuglement profond. Les nations. Dieu voit donc tous les hommes en général, et chacun d'eux en particulier, vivant dans un si grand aveuglement et se précipitant dans les enfers. Oui, tous et chacun d'eux se précipitant en enfer, parce que, dans cet endroit, nous considérons les hommes abstraction faite du bienfait de la rédemption, c'est-à-dire tels qu'ils seraient, tels qu'ils auraient dû être pendant la vie, et à la mort, et après la mort éternellement, si la bonté divine ne leur eût envoyé un sauveur. Note. Notre-Dame. Qui, plus que toutes les créatures, supplère au Très-Haut, toute pauvre et inconnue qu'elle était au monde, quoique fiancée à un ouvrier pauvre, et vivant méprisée du reste des Juifs, dans une petite ville de Galilée, d'où il ne pouvait sortir rien de bon, à Nazareth potestali qui bonies, Johann 1, 46. Mais combien ne nous paraît-elle pas digne de vénération celle qu'un ange salue, celle que le Tout-Puissant honore, et honore de la sorte. Les services et les honneurs que les mortels peuvent rendre à cette Vierge seront-ils jamais comparables à l'honneur que Dieu même daigne lui faire? Il est vrai qu'elle fut troublée en entendant ses louanges, Elle qui plus tard ne ressentira aucun trouble lorsque son divin fils lui adressera des paroles dures en apparence. Mais l'ange la rassure et lui dit, « Ne craignez point, ô Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. » Luc 1, 30. Ô heureuse Marie. Note. L'ange. Un des principaux chefs de la milice céleste ne regarde pas comme indigne de lui, ne juge pas au-dessous de sa dignité, de porter un message à une vierge d'Israël quoique le résultat de cette ambassade soit l'exaltation, non de la nature angélique, mais de la nature humaine. Note. Je réfléchirai afin de tirer de l'utilité. Cette réflexion, qui sera toujours accompagnée ou suivie de quelques conclusions pratiques, doit se faire à tous les points de la méditation, et même à toutes les divisions principales de chacun des points. Le fruit de ces réflexions peut varier à l'infini, et est différent selon l'état actuel de la personne qui fait la contemplation, c'est-à-dire selon qu'elle éprouve de la consolation ou de la désolation, de la joie ou de la tristesse, de la dévotion ou de l'aridité, une affection ou un besoin quelconque. Car, que l'âme commence à se purifier de ses vices, ou qu'elle s'exerce à la pratique des vertus, ou qu'elle aspire à l'union intime avec Dieu, elle doit toujours s'appliquer à recueillir le fruit propre à ses besoins dans chaque mystère. En effet, la détestation du péché, la connaissance de sa propre malice, la compunction, la contrition, etc., l'humilité, la patience, l'obéissance, la douceur, le mépris du monde et de soi-même, etc. Enfin l'amour de Dieu, l'abandon de soi-même à la volonté divine en toutes choses, la délectation de l'âme, de Dieu et en Dieu, l'admiration dans la contemplation de sa bonté, de sa sagesse, de tous ses attributs, etc., sont autant de fruits que l'on peut recueillir dans la méditation de chaque mystère, et chacun doit s'attacher à celui qui lui convient le plus et vers lequel il se sent plus porté par le mouvement de la grâce. C'est ainsi que l'oraison et la contemplation seront comme une manne renfermant en elle tous les goûts et à la saveur propre de tous les aliments. Sagesse 16, 20. Pour tirer plus de fruits de la réflexion que saint Ignace nous recommande toujours de faire dans chaque point de la contemplation, il sera bon, après avoir considéré attentivement, et comme si l'on était présent à l'accomplissement du mystère, les personnes, leurs paroles et leurs actions, de s'adresser à soi-même les questions suivantes. Qu'avez-vous à dire à tout ceci? Qui êtes-vous? Que dites-vous de vous-même? Et d'y répondre comme devant Dieu, sans se flatter, avec vérité, avec sincérité et même avec sévérité, comme s'il s'agissait, non de soi-même, mais d'un autre à qui l'on aurait le désir d'être utile selon Dieu. Du reste, quel que soit le fruit particulier que l'on retire, il ne faut jamais oublier la fin spéciale de la méditation ou de la contemplation, c'est-à-dire la grâce que nous demandons dans le troisième prélude. Fin de la note. Dans le second point, j'écouterai les paroles, premièrement, des hommes qui sont sur la terre, comment ils parlent les uns avec les autres, comment ils jurent et blasphèment, etc. Secondement, des personnes divines, disant « Opérons la rédemption du genre humain, etc. » Troisièmement, de l'ange et de Notre-Dame, et je réfléchirai sur ces discours pour en tirer du profit. Note. J'écouterai les paroles. Les vérités, dit le roi prophète, ont été altérées par les enfants des hommes. Chacun ne dit à son prochain que des choses vaines, leurs lèvres sont pleines de tromperies, et ils parlent avec un cœur double. Ils ont dit, nous acquérons de la gloire par nos discours, Nos lèvres sont à nous, qui donc est notre maître ? Psaume 11. Fin de la note. Dans le troisième point, je considérerai les actions, premièrement, des hommes qui sont sur la terre, ils s'attaquent, ils s'entretuent, ils tombent dans les enfers, etc. Ce qu'on demande, des trois personnes divines, qui opèrent la très sainte incarnation, etc. Troisièmement, de l'ange et de Notre-Dame, l'ange s'acquitte de l'ambassade céleste, Marie s'humilie et rend grâce à la divine majesté. Ensuite je réfléchirai pour tirer quelque utilité de chacune de ces circonstances. Note. Ils s'attaquent, ils s'entretuent. L'amour propre et l'orgueil, lorsqu'ils dominent dans un cœur, sont deux sources de libertinage et de cruauté. Tels sont, en effet, les vices ordinaires et caractéristiques de l'homme dégradé. Il y est d'ailleurs poussé par les efforts de l'ennemi de la nature humaine, qui ne prenant conseil que de sa haine pour l'âme et pour le corps de l'homme, a consacré ces deux vices dans le culte rendu aux idoles. Ils ont aimé la corruption et sont devenus abominables dans leur voie. Psaume 13, 1. Note. Marie s'humilie. Les paroles de la Vierge. Voici la servante du Seigneur, semble moins exprimer la joie d'une si haute dignité que sa résignation à accepter un si pénible fardeau. En effet, la dignité de mère de Dieu ne fut point ici-bas pour Marie un privilège, une exemption des maux de la vie, mais plutôt une source de peine et de travaux. La mère de l'homme de douleur, nous n'en pouvons douter, eut la perspective de toutes celles que son fils devait souffrir un jour, et elle les unit, dans son acceptation, à la sublimité de la dignité qui lui était annoncée. C'est donc avec justice que nous pouvons lui adresser avec l'Église ces paroles de saint Augustin. Ô heureuse Marie, qui pourrait assez chanter vos louanges et vous rendre de dignes actions de grâce, vous qui, par votre merveilleux consentement, avez sauvé le monde qui demeurait perdu sans vous. Sermon 18, De Sanctis. Fin de la note. Enfin, je ferai le colloque, en pensant à ce que je dois dire aux trois personnes divines, au Verbe éternel incarné, à la mère du Verbe et Notre-Dame, et, selon le sentiment que j'éprouverai en moi-même, je demanderai tout ce qui peut m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement notre Seigneur, comme s'il venait de s'incarner pour moi. Je terminerai en récitant le Notre Père. Note. Le colloque. Ce colloque doit répondre, par sa simplicité, à celle qui règne dans toute cette contemplation. Nous ferons remarquer que ces paroles de la Vulgate et de l'abbé Clément, je m'étudierai à trouver les termes les plus affectueux et les plus tendres, ne sont nullement dans le texte de saint Ignace. Il veut sans doute que nous pensions à ce que nous devons dire, mais non de quelle manière ou en quels termes nous le dirons. Les paroles ne sont rien, le sentiment, le cœur est tout. Note. Comme s'il venait de s'incarner pour moi. À l'heure, à l'instant même, car il faut contempler ce mystère et tous les autres comme s'ils s'opéraient sous nos yeux. Ne méditons donc pas comme sur une action passée, sur un objet éloigné, mais que tout nous soit actuel et présent. Fin de la note. Seconde contemplation. La seconde contemplation est la nativité. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude à l'histoire du mystère. On se rappellera, dans la contemplation présente, comment Notre-Dame, dans le neuvième mois de sa grossesse, partie de Nazareth, assise, comme on peut pieusement le méditer, sur une ânesse, accompagnée de Joseph et d'une servante qui mène un bœuf. Ils vont à Bethléem payer le tribut imposé par César à tous les habitants de cette province, voir les mystères. Note. Comme on peut pieusement le méditer. Ces paroles sont en marge dans l'apographe, et écrites de la main même de saint Ignace. On voit assez qu'elles se rapportent aux diverses circonstances qu'il a voulu exprimer ici, et qu'on ne lit pas dans les saints évangiles. Qui mène un bœuf, chargé peut-être de quelques bagages. Cette manière de voyager est encore en usage dans certaines contrées de l'Orient, où le bœuf est employé, au besoin, comme bête de somme. On conçoit alors plus facilement comment ces deux animaux se trouvèrent dans l'étable de Bethléem à la naissance de l'enfant Dieu, et le réchauffèrent de leur souffle, comme s'ils eussent reconnu en lui leur Créateur, selon ces paroles d'Isaïe. Le bœuf a connu son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne m'a point connu. Ésaïe 1, 3. Fin de la note. Le second prélude est la composition de lieu. Dans cette contemplation, je verrai des yeux de l'imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, considérant sa longueur, sa largeur. Est-il uni? Traverse-t-il des vallées? Est-il sur des collines? Je considérerai de même la grotte où naît le Sauveur. Est-elle grande ou petite? Est-elle haute ou basse? Comment est-elle préparée? Le troisième prélude est entièrement le même que dans la contemplation précédente. Dans le premier point, je verrai les personnes, Notre-Dame, Joseph, la servante, et l'enfant Jésus lorsqu'il sera né. Je me tiendrai en leur présence comme un petit mendiant et un petit esclave indigne de paraître devant eux. Je les considérerai, je les contemplerai, je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent. Ensuite je réfléchirai en moi-même pour tirer de là quelque profit. Note. Lorsqu'il sera né. Car, au commencement de la contemplation, il ne l'est pas encore. Note. Je me tiendrai en leur présence comme, textuellement, me faisant un petit pauvre et un petit esclave indigne, c'est-à-dire m'efforçant d'avoir ses sentiments. C'est ainsi que saint Ignace nous recommande, dans la méditation fondamentale, de nous faire, de nous montrer indifférents. Fin de la note. Dans le second point, j'observerai, je remarquerai et je contemplerai ce qu'ils disent, puis je réfléchirai en moi-même pour tirer quelque profit. Note. J'observerai, je remarquerai et je contemplerai. Dans le premier point, il nous est recommandé de voir les personnes, dans le troisième point, de regarder, de considérer leurs actions. Pourquoi dans ce second point, où il s'agit de paroles, ne nous dit-on pas, comme dans le mystère de l'incarnation, de les écouter? Cette difficulté peut, se semble, se résoudre de la sorte. Les évangélistes ne rapportent aucune parole qui ait été dite dans ce mystère, ce n'est donc qu'en s'attachant à observer les personnes, en remarquant et en contemplant leurs actions, que nous pourrons comme deviner ce qu'elles ont pu dire. Or, dans ce mystère de la crèche, on peut considérer avec beaucoup de fruit, non seulement ce que disent les personnes, mais encore ce qu'elles ne disent pas. Elles ne se plaignent pas du tribut imposé par César, ni des refus des habitants de Bethléem, etc. Elles gardent ordinairement le silence dans le voyage, elles le gardent dans l'étable. Fin de la note. Dans le troisième point, je regarderai et je considérerai ce qu'ils font, comme ils ont voyagé, comme ils souffrent, afin que le Seigneur de toutes choses naisse dans une extrême pauvreté, et qu'après tant de travaux, après avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures et les affronts, il meure sur la croix, et tout cela pour moi. Et je réfléchirai pour tirer quelques profits spirituels. Note. Afin que le Seigneur naisse. Dans les desseins de la divine providence, le voyage de Nazareth à Bethléem, les peines, les fatigues de Marie et de Joseph, ont pour but de procurer à Jésus une naissance pauvre, afin que le Seigneur naisse dans une extrême pauvreté. Elles doivent lui ouvrir cette carrière pénible de privation et de souffrance dont le terme sera le calvaire. Les hommes ont coutume d'entreprendre des voyages pour se procurer des plaisirs, pour éviter des peines. Marie et Joseph quittent la maison de Nazareth, afin que le Sauveur des hommes paraisse dans le monde privé de tous les secours et environné de tous les maux qui accompagnent l'indigence. La version Vulgate paraît nous inviter, en cet endroit, à une recherche trop spéculative des causes pour lesquelles le Maître de toutes choses a voulu naître dans une extrême pauvreté, mais la recherche de ces causes nous semble inopportune, et contraire à la pensée de saint Ignace, qui ne nous en présente qu'une seule. Tout cela pour moi. C'est donc à cette cause que je dois surtout m'attacher dans la contemplation, afin d'en retirer, pour fruit spirituel, un amour plus ardent envers Jésus-Christ et un désir plus vif de l'imiter, car tel est le but spécial de ces contemplations, et non une recherche étudiée des causes, qui sont du ressort de la théologie et de la spéculation. Fin de la note. Je terminerai par un colloque, comme dans la contemplation précédente, et je réciterai le Notre Père. Note. Comme dans la contemplation précédente. Avis nécessaire pour nous empêcher de perdre de vue la fin particulière de ces contemplations, pour que nous marchions sans cesse vers ce but spécial de recueillir le fruit demandé dans le troisième prélude. C'est-à-dire une connaissance plus intime, un amour plus grand et une imitation plus fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de la note. Troisième contemplation. La troisième contemplation est la répétition du premier et du second exercice. Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, on fera la répétition du premier et du second exercice, insistant toujours sur quelques passages principaux, dans la méditation desquels on aura reçu plus de lumière, senti plus de consolation ou de désolation intérieure, et on terminera de même par un colloque suivi du Notre Père. Dans cette répétition et dans les suivantes, on gardera la même méthode que dans celle de la première semaine, changeant la matière et conservant la forme. Quatrième contemplation. La quatrième contemplation sera encore une répétition du premier et du second exercice, et se fera de la même manière que la précédente. Cinquième contemplation. La cinquième contemplation sera l'application des cinq sens à la première et à la seconde contemplation. Note. Cet exercice s'appelle application des sens, parce que l'ami emploie le secours des sens intérieurs pour se pénétrer d'un mystère qu'elle a déjà médité par le moyen de ses facultés. Les yeux voient, les oreilles entendent, l'odorat aspire, le goût savoure, les mains, les lèvres touchent. Les divers sentiments de l'âme venant à se communiquer au corps, notre chair avec notre cœur tressaille d'aller et graisse, ou s'abîme, pénétré de respect et de crainte, en présence du Dieu bon, mais trois fois saint. Psaume 83, 3. L'exercice de l'application des sens sera, d'après le directoire, chapitre 20, numéro 4, spécialement utile en deux circonstances, et produira de grands biens. Tantôt, l'âme incapable de se livrer à des spéculations plus profondes, se disposera peu à peu, par la vue des objets sensibles, à entrer dans des considérations plus relevées, tantôt, au contraire, déjà toute pleine et toute fervente d'une dévotion qu'elle a puisée dans la connaissance des mystères les plus sublimes, Elle descendra à la contemplation de ces objets matériels, et y rencontrera un aliment savoureux, une douce consolation, un fruit délicieux, provenant de l'abondance de l'amour qui la remplit, et fait que les moindres choses, un geste, un signe, sont pour elle d'un grand prix, et un accroissement intarissable de consolation et d'amour. Fin de la note. Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, il sera utile d'exercer les cinq sens de l'imagination sur les mystères de la première et de la seconde contemplation, de la manière suivante. Dans le premier point, je verrai des yeux de l'imagination les personnes, méditant et contemplant, dans le détail, les circonstances dans lesquelles elles se trouvent, et tâchant de tirer de cette vue quelque profit. Note. Il sera utile. Personne ne doute qu'il n'eût recueilli de très grands fruits spirituels, s'il lui eût été donné d'assister à la naissance du Sauveur et à l'accomplissement de ses autres mystères. Pensons donc que l'application des sens produira en nous quelques-uns de ces heureux effets, si nous y apportons une foi vive, un esprit attentif et diligent. Note. Je verrai. Voir marque moins d'application, et par conséquent plus de facilité et de douceur que regarder. Il faut quelquefois des efforts, et des efforts qui vont jusqu'à la fatigue, pour regarder. Il n'en faut jamais pour voir. Cette remarque est d'autant plus nécessaire que l'exercice de l'application des sens, dans l'intention de Saint Ignace, doit exiger moins de contention. C'est pour cela qu'il le place toujours en dernier lieu, avant le souper et après tous les autres exercices, dans un moment où l'on peut et l'on doit croire que l'esprit du retraitant commence à se ressentir des fatigues de la journée. Il faut donc viser, par-dessus tout, à faire cette application avec douceur et sans aucune contention d'esprit. Fin de la note. Dans le second point, j'entendrai, à l'aide de l'imagination, ce qu'elles disent ou peuvent dire, réfléchissant en moi-même pour en tirer quelque profit. Dans le troisième, je m'imaginerai sentir, respirer et goûter la suavité et la douceur infinie de la divinité, de l'âme, de ses vertus et de tout le reste, selon la personne que je contemple, réfléchissant en moi-même et m'efforçant d'en retirer de l'utilité. Note. Respirer et goûter. Ces deux sens, que l'on réunit ici, se rapportent uniquement aux sentiments, mais le second, de plus près et plus immédiatement que le premier. Ce sentiment est, ou celui de la délectation et de l'amour spirituel, ou, dans le sens opposé, celui de l'horreur, de l'aversion, du dégoût, de la haine, car nous pouvons appliquer ces deux sens intérieurs, non seulement aux objets saints, mais encore aux objets contraires. Dans cette méditation, par exemple, au monde, aux hommes du monde, à leurs crimes, au châtiment qu'ils méritent, et le sentiment que nous en éprouverons sera nécessairement celui que produirait sur nos sens corporels ce qu'il y a de plus infect et de plus amer. Fin de la note. Dans le quatrième, j'exercerai le sens du toucher, embrassant, par exemple, et baisant les endroits où marchent, où reposent les personnes que je contemple, tâchant toujours de le faire avec profit. Note. Le sens du toucher. L'auteur des exercices n'indique comme objet du toucher que les lieux, non les vêtements, moins encore les personnes. Si donc un mouvement de dévotion tendre portait une âme d'une grande pureté à donner aux personnes des témoignages plus affectueux de son amour, qu'elles se souviennent que cela ne doit se faire, selon le sage avertissement du Directoire, chapitre 21, numéro 1, qu'avec un sentiment mêlé de respect, de réserve et de crainte. C'est alors qu'il faut se rappeler les paroles du psalmiste, ils tomberont prosternés devant lui, et leur langue s'attachera à la terre. Psaume 71, 9. Fin de la note. Je terminerai par un colloque, comme dans la première et la seconde contemplation, et par le Notre Père. Remarque. Première remarque, on aura soin, cette semaine et les suivantes, de ne lire aucun mystère que l'on ne doive contempler dans la journée ou à l'heure même, de peur que la considération de l'un ne nuise à celle de l'autre. Deuxième remarque, le premier exercice, qui est la contemplation de l'incarnation, se fera au milieu de la nuit, le second, au commencement du jour, le troisième, à l'heure de la messe, le quatrième, à l'heure des vêpres, et le cinquième, avant le souper. Chacun de ces exercices durera une heure. Tel est l'ordre que l'on suivra désormais. Troisième remarque. On fera attention que, si la personne qui fait les exercices est d'un âge avancé ou d'une santé faible, ou, bien que robuste, si elle se trouve en quelque manière affaiblie par les exercices de la première semaine, il sera mieux, cette seconde semaine, qu'elle s'abstienne, au moins quelques fois, de se lever au milieu de la nuit. Elle fera alors une contemplation le matin, une autre à l'heure de la messe et une troisième avant le dîner, puis une répétition de ces trois exercices à l'heure des vêpres et l'application des sens avant le souper. Note. Une autre, et une troisième. Ces paroles prouvent évidemment que l'intention formelle de Saint Ignace est que l'on fasse cinq exercices, quand même on ne se lèverait pas au milieu de la nuit. Le défaut de clarté de la version vulgate a donné lieu à quelques-uns d'en douter. Il est cependant regardé comme utile quelquefois de n'en faire que quatre, du second au quatrième jour inclusivement. Quatrième remarque. Dans cette seconde semaine, on modifiera de la manière suivante la deuxième, la septième et la dixième des additions de la première semaine. Deuxième addition. Aussitôt que je serai réveillé, je me mettrai devant les yeux la contemplation que je dois faire, excitant en moi un vif désir de connaître davantage le Verbe incarné, pour le suivre de plus près et le servir avec plus de fidélité. Sixième addition. Je rappellerai fréquemment à ma mémoire la vie et les mystères de Jésus-Christ, notre Seigneur, depuis son incarnation jusqu'au mystère que je contemple actuellement. Septième addition. Je choisirai la lumière ou les ténèbres, je profiterai de la sérénité ou de l'obscurité du ciel, autant que j'espérerai en retirer de l'utilité pour trouver ce que je désire. Dixième addition. Celui qui fait les exercices doit s'efforcer de se conformer à la nature des mystères qu'il contemple, car quelques-uns demandent des sentiments et des œuvres de pénitence, et d'autres ne les exigent pas. Enfin, on observera les 10 additions avec beaucoup de soin. Cinquième remarque. Dans les exercices autres que celui du milieu de la nuit et du matin, on fera l'équivalent de la deuxième addition de la manière qui suit, quelques instants avant l'heure de l'exercice que je suis sur le point de faire. Je me représenterai où je vais et devant qui je dois paraître, puis, je repasserai brièvement le sujet que je dois méditer ou contempler, et, après avoir fait la troisième addition, je commencerai mon exercice. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et LivreMystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.